Oui, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. C'est encore moi, Naïb Charabino, qui à tout moment, s'il y a une actualité, tout Bandakoya, même 1000 fois par jour, pour éclairer l'opinion publique. Mes chers amis, nayeli un sujet où ezali ko leka sikoyo na mboka na biso, parmi tant d'autres, hein, mais en tout cas, yango ezali d'actualité mikolo oyo. C'est un sujet qui semble être ridicule, banal, une pure distraction. Par rapport il y a un vrai problème où ils allaient coller ça dans le cannabis. Mais on ne peut pas se dépasser la distraction wana, parce que notre pays population nabiso est commis et comme une population il y a distraction. Alors pour sortir batu nabiso peuple nabiso na distraction wana to koyi kozala libanda ya distraction wana ti. Il faut que y a na kati ya distraction wana to conscientiser bango to yebisa bango ke ezali distraction et to bima na distraction wana. Je pense que je me fais comprendre là-dessus. Nayeli sujet ya ba pasteur. Vous savez très bien que ba pasteur bazali ba enseignant, ba pasteur bazali ba influenceur, ba pasteur bazali leader d'opinion dans le cannabiso, dans la société civile. Et ce qui s'attaquer dans le pasteur, et que ça très difficile pour s'en sortir de la situation sociale dans le cannabiso. Il faut s'attaquer au pasteur pour que ce pasteur comprenne que en réalité, Misalamoussou hormis que ça pasteur. Misalamoussou. Vous n'êtes pas obligé aux la pasteur. Voyez que la majorité de la population nabiso bazali ba chrétien confondi, hein, ba catholique, ba chrétien, bangonio so confondi. Alors, yango bangonde basalaka lavage à cerveau ya population nabiso. To koki vraiment qu'aux la l'écart na bangote, il faut to ya ko s'attaquer na bango. Je vais aller tout droit, Nabi. Il y a l'histoire d'une jeune femme que j'ai suivie, agressée sexuellement par Mike Kalambay, qui est, semble-t-il, un pasteur. D'abord, nous avons condamné acte ya femme wana comme femme mariée. Mais au même moment, je la félicite parce qu'elle est sincère. Elle est sincère, à Wanganité, elle a avoué que à Salaki Yango, mais à Salaki Mabé. Mais mes chers amis, depuis que Félix est là, Namoni Kezali na groupe Yabande Konabiso ba Congolais. Il faut to créer to pesa bango statut spécial. Il y a freelance sexuel. C'est-à-dire que bandeko wana bazala na statut oyo basalaka sexe lokola bayimbwa, tellement baliaka bayimbwa to autoriser bango publiquement maintenant parce que bazali ko sala yango et biso tozomona ngo lokola eza ba scandale. Tozali kote ya bango bazali koyoka te. To kote ya bango bazali koyoka te. Alors, to pesa bango statut spécial. On crée d'abord une zone de sexe lokola bayimbwa, kasayi, et puis tout kasayen te, mais tout milouvor. Azala na statut, même azali na province mosusu na Kinshasa, partout. Azala na statut spécial. Des sexes comme les Yimbois. Boyoka, mes chers amis, Félix Tshisekedi a botisa tata mwasi na ye. Félix Tshisekedi est d'où? Quelle zone? Quelle province na mboka na biso? Bo répondaka bino moko bo répondaka. Félix azali mutu ya wapi? Aliaka yimbwa. Mai Kalambai. Scandale. Un grand, entre guillemets, un grand pasteur. Mai Kalambai azali mutu ya kote nini? Aliaka nini? Yimbwa. Oyo mususu babenga ka ya momo. Moïse Mbie, je pense. Azali mutu ya kote nini? Aliaka yimbwa. Mukuna. Azali mutu ya kote nini? Aliaka yimbwa. Michel Bakenda. Azali mutu ya kote nini? Aliaka yimbwa. Majabu. Oh, tozali koyoka Majabu, Gaspel. Non, Majabu, excusez-moi, je ne veux pas lâcher les mots. Azali mutu ya kote nini? Aliaka yimbwa. Le pasteur Mukendi qui a violé des femmes au Canada, que Félix a aidé pour fuir le Canada, fuir la justice canadienne, azali na Kinshasa, homme libre, azali koteya, comme conscience na bango ezalakate. Le pasteur Paul Mukendi, azali mutu ya kote nini? Aliaka yimbwa. Bo reponda kabino moko. Tozali na mususu kombo na ye Herman Kasongo. Scandale. Azali mutu ya kote nini? Aliaka yimbwa. Toya na Héritier Watanabe. Azali mutu ya kote nini? Aliaka yimbwa. Mais di, citez-moi les noms ya bandeko mususu d'autres provinces oyo bazali répété na ba scandale sexuel ya boye. Alors, c'est pour cela que je dis il faut donner un statut spécial aux milouvor. Bango basala ka sexe même na balabala lokola ba yimbwa tellement baliaka ba milou. Cet esprit de milou, ya sexe ya ba milou, basala kango na balabala partout, bango pe et côté la bango tellement baliaka parce que elle baliaka ba yimbwa, ba boaka ka ba sexe ba yimbwa te. Excusez-moi. Cette vidéo n'est pas pour les enfants. Na tango baliaka ba mbwa, ba longola ka ba sexe ba mbwa te. L'esprit de sexe de chien, oyo baliaka et côté la bango, ils font ce sexe partout. Sans gêne, sans conscience. Citez-moi. Dis non. Il y a Batou Moussous, même ba province Moussous réuni. Oyo bazali na ba scandale sexuel. Le kola bandeko na biso oyo ya ba milouvor. Donc pour finir, la femme qui a la jeune femme, la jeune fille, na ebite so azali marié, qui a interviewé. La victime Yamai Kalambai, vous la menacez pourquoi? Vous la menacez pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc péché naïe parce que a tché Instagram naïe pour donner l'espace à cette femme à s'exprimer. Péché naïe yangwana, il fallait pas. Voyez-vous l'esprit de Yimbwa Negetin Dagabatu? Je demande na ba défenseur des droits de l'homme, Nyoso Bazali, cette femme serait na UK, de la protéger. Nous allons la protéger. A Salimassoumou Mokote? Oyo bino bozo sala bozo mona yangote. Vous ne voyez que cette jeune femme qui a interviewé la victime, victime Nabino? Oh, pff. Je reviendrai pour Félix, hein. Donc, o ezali pour la société, tope sa statut spécial pour na bato baliaka yimbwa. Merci beaucoup.